Cordoue, fin du XIIe siècle. Le calife Al-Mansour a succédé à son père et en héritant de ce statut, il hérite aussi d'Averroès, qui occupait la charge de grand juge auprès du calife. Cependant, Averroès choisit de démissionner, exprimant par là son désaccord politique avec le nouveau calife. La raison de leur divergence? Dans le film de Youssef Chahine, Le Destin, c'est entre autres l'influence grandissante de Cheikh Riyad, qui est à la tête d'une secte religieuse militante en faveur d'une lecture rigoriste du Coran. Averroès tente d'alerter le calife des dangers que représentent les obscurantistes pour le pouvoir, mais les liens entre savants et politiques peuvent-ils être pacifiés? Tu m'apportes une démission écrite comme un vulgaire fonctionnaire. Démissionne si tu veux. Et pars tranquille, personne ici-bas ne m'est indispensable. J'ai 10 juges capables d'assumer ce poste. Après tout, Averroès, c'est mon père qui te l'a donné. J'ai hérité de toi-même en même temps que du trône et tu étais déjà encombrant. Puisque nous sommes d'accord, je me permets de me retirer. Tu ne te permets rien du tout. Me voilà redevenu simple citoyen. Et comme les autres, tu te soumettras à mes caprices. Laissez-nous. Tout sera fût pour un petit rimailleur qu'on a tué dans une ruelle obscure. Marwan a été exécuté à la vue de tous. Non seulement il bafoue la justice, mais il méprise ton autorité. Cheikh Riyad tient la rue maintenant. Il me faut être un savant pour en arriver à cette conclusion. Riyad n'a qu'une obsession, tenir la rue. Ne serait-ce pas aussi ce que toi tu veux? Alors où est la différence? Le pouvoir ne m'a jamais intéressé. Tandis que la gloire, si. Et l'immortalité. Bonjour Makram Abbès. Bonjour. Vous m'entendez bien? On a eu des petits soucis de connexion, je crois, mais vous êtes bien là. Vous me rassurez. Tout à fait. Vous êtes professeur à l'ENS de Lyon, l'École normale supérieure de Lyon, membre du laboratoire Triangle, spécialiste de philosophie morale et politique en islam. Vous êtes avec nous depuis Lyon, sur Skype donc. Et vous avez peut-être pu entendre, si vous étiez déjà connecté, l'extrait du Destin, le film de Youssef Chahine qui a ouvert cette émission et qui donnait à entendre la démission d'Averroès qu'il remet au calife Al-Mansour. Et ce que relève l'extrait du film, ce qu'il révèle, pardon, c'est que, au-delà même de la question de la démission, c'est que le souverain semble très proche du savant qui est Averroès. Est-ce que c'est une exception ou un cas de figure courant dans l'islam classique? Ce n'est pas du tout une exception dans la mesure où, dans la tradition de l'islam classique, à partir du 8e siècle et de l'installation de la philosophie en terre d'islam, il y a souvent des tandems de philosophes et de politiques qui se sont illustrés en fait dans l'histoire, que ce soit en Orient, donc à Bagdad, ou bien un peu plus tard à Damas ou au Caire, ou bien dans l'Occident musulman, c'est-à-dire principalement en Andalousie, donc en l'occurrence à Cordoue. Donc cette relation entre le savant et le politique, elle est bien réelle, elle a bel et bien existé, et elle a aussi d'ailleurs été théorisée dans le cadre des écrits politiques dans les miroirs des princes. Par exemple, il y a les lettres d'Aristote à Alexandre, il y a le fameux Khalil al-Idmna qui met en scène un roi de l'Inde et un savant, un philosophe. Donc vous voyez, ce tandem effectivement est bien présent, bien ancré, aussi bien sur le plan théorique que du point de vue sociale et politique. C'est quelque chose qui paraît assez étrange. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas un puissant calife prendre à ses côtés un philosophe, même s'il est aussi juge et médecin, et l'interroger sur les questions de traduction d'Aristote aujourd'hui. Absolument. Alors, effectivement, les hommes, les princes de l'époque étaient très bien formés. Donc, il y avait une bonne éducation politique qui était dispensée aux princes, donc aux califes, aux sultans, par différents hommes politiques. Et cette éducation contenait divers savoirs, donc et diverses connaissances relatives aussi bien à la religion qu'à la loi, à la morale ou bien entendu à la politique. Et donc, ce n'est pas du tout étrange que certains princes ce pic de philosophie et qu'il soit aussi versé dans les sciences rationnelles, ce qu'on appelait à l'époque les sciences rationnelles, mm-hmm. c'est-à-dire mathématiques, astronomie, cosmologie. C'est le cas du prince qui a été fréquenté donc par Averroès et qui va lui poser des questions justement sur l'astronomie lors de la première rencontre avec lui. Sur l'astronomie, vous dites ? Absolument, sur le ciel, en fait, il y avait une question sur que pensent les philosophes du ciel et bien entendu du monde, c'est-à-dire est-il créé le fameux débat, la fameuse question qui a été débattue dans l'Antiquité pendant le Moyen-Âge sur la création ou l'éternité du monde. Mmh. Voilà. Alors, pour essayer de préciser un peu le type de relation qu'il peut y avoir entre le souverain et le savant, dans les traditions de pensée politique hein, de l'islam classique, vous avez rapidement évoqué le miroir des princes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, chez Machiavel. Machiavel Absolument. Qui se fait conseiller du prince directement. Il y a deux autres, grandes traditions, la tradition juridique et la tradition de philosophie politique. On va les définir parce que ça nous permettra de mieux comprendre le rôle d'Averroès en politique à son époque. Tout à fait. Alors, la tradition juridique s'intéresse bien sûr à la politique à partir de l'idée de normes, d'exceptions, de règles, de ce qui permet de la contourner. Donc, elle est plutôt orientée vers la définition de l'administration, de l'art d'administrer et des questions bien sûr institutionnelles, parce que l'islam donc a fondé ses propres institutions, l'institution du califat, l'institution du vézirat, l'institution de la police. Enfin, il y a bien sûr des choses qui sont très communes avec ce qu'on peut trouver du côté des Romains, des Grecs, des Perses de l'Antiquité. Mais donc il a forgé ses propres institutions avec sa propre tradition, et cette tradition émane principalement des textes religieux, donc des commentaires des textes religieux par les juristes ou bien par les théologiens. Et donc on trouve effectivement une forte tradition institutionnelle incarnée notamment par les statuts gouvernementaux de Mawardi, dans lesquels il définit ses différents offices qui permettent, dans la maîtrise, dans la connaissance, permet effectivement la bonne marche de l'administration. Après, vous avez la tradition des miroirs des princes, qui est un peu, comme vous l'avez évoqué, proche de celle où rappelle celle le prince de Machiavel, ou bien d'autres textes d'Erasme, ou bien des textes plus anciens comme le De Regno de Saint Thomas, ou bien de le traité sur la royauté en fait de Gilles de Rome. Donc là, c'est une tradition de pensée politique qui est différente en fait de la tradition juridique, dans la mesure où elle ne s'intéresse pas directement à la norme, à la loi, donc juridique. Elle définit plutôt la conduite éthique du prince. Comment le prince doit-il être formé comment doit-il être se former lui-même, se gouverner lui-même en quelque sorte, afin de pouvoir gouverner les autres, de conduire la conduite des autres. Donc l'idée de gouvernement de soi et des autres, elle est vraiment fondamentale dans cette tradition, et c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de miroirs des princes s'intéressent donc à ces questions d'anthropologie, de passion politique, de ce qui donc elle s'intéresse à l'homme, mais elle l'étudie tel qu'il a pu exister dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est la véritable, comme le dit Machiavel, la véritable maîtresse de nos actions dans cette tradition, c'est-à-dire on va puiser les normes de conduite, non pas dans une loi, dans un texte sacré ou autre, mais plutôt le modèle des hommes politiques tel que l'histoire des hommes, l'histoire des États, peut nous l'enseigner. Enfin, il y a une tradition de philosophie morale et politique qui est justement celle d'Averroès ou d'Al-Farabi principalement, ou d'Avampas aussi. C'est dans cette tradition, on s'intéresse à la politique d'un point de vue purement philosophique, c'est-à-dire que vous avez les parties théoriques de la philosophie, puis la partie pratique, et la partie pratique justement contient traditionnellement la morale ou l'éthique, l'économique, donc les dimensions économiques et la politique. Donc ça, c'est un peu la tripartition traditionnelle de ce qu'on appelle la philosophie pratique. Et dans cette tripartition, bien entendu, le philosophe s'intéresse à ces questions parce que l'homme est par nature politique, et parce que c'est au sein de la cité que l'homme peut atteindre ses perfections ultimes. Et donc, à partir de là, on a forgé justement une spéculation qui est très intéressante également sur à la fois la question du bonheur. Par exemple, le thème du bonheur politique, il est central dans cette tradition, contrairement à la tradition des miroirs des princes, où on parle plus de prospérité, on parle plus de, disons, de disons de comment dire de d'efficacité, si vous voulez, ouais. d'efficacité disons de la conduite du prince. Dans la tradition juridique, on s'intéresse beaucoup à la norme, à la loi, à ce que dit la loi, alors que là, on parle du bonheur de l'homme, aussi bien terrestre que céleste. Et donc, vous avez en fait une approche de la politique qui est différente quand même, parce que, eh bien, on va définir l'homme non pas tel qu'il est forcément, mais tel qu'il pourrait ou devrait être. C'est-à-dire que là, vous avez un devoir normatif qui émane principalement d'une anthropologie un peu particulière, parce que c'est l'anthropologie des philosophes qui insiste beaucoup d'abord sur la rationalité de l'homme et la capacité dont il est doté, en fait, de développer c'est ce qui lui est propre, c'est-à-dire la raison. Voilà. Est-ce que ça veut dire, c'est passionnant ce que vous dites, et on va prendre le temps de tout déplier justement oui. au cours de cette émission, mais est-ce que ça veut dire que pour Averroès, la cité et la réflexion politique, de philosophie politique, est oui. un moyen pour permettre à l'homme d'atteindre le bonheur justement, ou d'atteindre à cette excellence? Absolument. En fait, la meilleure cité, la politéia en fait d'Aristote, ou la cité vertueuse de Platon, pour les philosophes arabes et donc pour Averroès principalement, c'est celle dans laquelle l'homme, n'importe quel homme en fait, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa formation, quelles que soient ses dispositions, disons morales ou bien ses compétences cognitives, eh bien c'est la cité qui lui permettra d'aller jusqu'au bout du développement de ses compétences. Mmh. Vous voyez, donc il y a une idée fondamentale qui s'appelle les perfections, les quatre perfections, les quatre excellences, l'excellence artisanale, l'excellence éthique, l'excellence délibérative et l'excellence théorétique. En fait, il y a quatre formes d'excellence qui est un peu le développement des deux excellences définies par Aristote dans l'éthique à Nicomaque, à savoir l'excellence éthique et l'excellence dianoéthique, c'est-à-dire l'excellence de l'action et l'excellence de la pensée. Donc ces deux formes d'excellence propres à l'homme, justement, sont explorées pour la première fois d'ailleurs par Al-Farabi, donc il va les développer et donner donc cette typologie sous forme de quatre excellences, et Averroès va la reprendre justement, et ça va leur permettre en fait de réfléchir sur les possibilités pour l'homme d'aller jusqu'au bout du développement de ses perfections, de ses excellences, quelles que soient d'ailleurs donc si vous voulez ses compétences initiales. Mmh. Est-ce qu'il y a de passionnant dans l'approche d'Averroès? Il y a deux choses déjà. Il y a la première qui peut paraître surprenante, c'est qu'alors qu'on a présenté Averroès depuis le début de cette série, depuis lundi, comme un grand lecteur oui. d'Aristote, ici c'est plutôt du côté de Platon qu'il va se pencher, pour une raison très claire, c'est que la République de Platon lui était accessible alors que le Politique d'Aristote ne l'était pas. Absolument, la Politique d'Aristote n'a pas été traduite en arabe, c'est le seul ouvrage d'Aristote qui n'est pas parvenu en fait aux Arabes. Les économiques aussi, hein, disons pour le corpus fondamental d'Aristote, en ce qui concerne la philosophie morale et politique, il y avait l'éthique à Nicomaque qui était fortement commentée, qui était lue, qui était même le point de départ d'ailleurs de la philosophie morale et politique d'Al-Farabi, de Meskawaye, d'Avampas, d'Averroès, alors que la politique, qui est un texte fondamental, qui va avoir aussi une influence décisive sur les latins au Moyen-Âge, ce texte-là, en fait, n'a pas été connu par les Arabes. Et donc, du coup, Averroès dit au début du commentaire de la République de Platon, qu'à défaut en fait d'avoir eu sous la main la politique, qui est la deuxième partie en fait de la science politique, la première étant l'éthique à Nicomaque, mm-hmm. dans laquelle en fait on définit les vertus, etc., le bonheur, et après dans la politique on envisage concrètement la meilleure cité, c'est-à-dire avec les meilleures lois qui permettraient justement de faire advenir dans le réel historique ces enseignements de la contenus dans l'éthique à Nicomaque. Et donc à défaut d'avoir la politique, en fait il va se tourner vers Platon, parce que le texte était disponible peut-être à travers une paraphrase de Galien, et donc il va s'intéresser, en fait, dans la République, il y a surtout la question de la cité, hein, la cité parfaite, comment voilà. elle est, le roi philosophe, parfaite et bien sûr les cités injustes, c'est-à-dire les contraires de la cité parfaite, parce que ça c'est un sujet très important qui permet aussi d'avoir une prise sur le réel et non pas de définir de manière abstraite la question du bonheur ou la question de la perfection. Oui, voilà, et ça c'est l'autre chose que je voulais soulever justement, qui est absolument passionnante dans la lecture d'Averroès de Platon et dans les écrits que lui-même va proposer, c'est l'attention constante et permanente à la société dans laquelle il vit. Il ne produit pas un ouvrage de philosophie politique abstrait et qui normatif et qui reposerait sur des principes atemporels. Au contraire, il observe la société dans laquelle il vit, la société qui bien souvent se structure selon un régime des clans, les clans andalous, c'est ce qu'il dit, et il regarde comment les textes philosophiques, notamment celui de Platon, pourraient être applicables directement à son époque. Je vous propose qu'on prenne un exemple tout de suite, Macrababès, qu'on entende un texte, un extrait du commentaire de la République de Platon par Averroès, dans lequel il s'interroge sur le rôle de la femme au sein de la cité. On sait que chez Platon, la femme était, n'avait pas partie prenante au régime politique démocratique à son époque. Au contraire, chez Averroès, écoutez la manière qu'il a d'accorder de l'importance au rôle particulier que joue la femme au sein de la cité. Il convient de savoir s'il existe chez les femmes des caractères naturels correspondant à chaque catégorie de la cité, notamment aux attributs propres aux gardiens, ou bien si les caractères naturels des femmes sont distincts de ceux des hommes. Si les choses correspondent au premier cas de figure, les femmes pourraient alors accomplir des travaux qui sont du même genre que ceux qui sont accomplis par les hommes, ou plutôt les mêmes. Elles deviendraient entre autres des combattantes, des philosophes et des souveraines. Si les choses sont à l'opposé de ce que je viens de décrire, les femmes ne seraient disposées au sein de la cité qu'à accomplir des actions pour lesquelles les hommes, d'une manière générale, ne sont pas prédisposés, comme c'est le cas de l'enfantement, de l'éducation des enfants ou les choses de ce genre. Je pense que dans la mesure où les femmes et les hommes forment une seule catégorie du point de vue de la fin humaine, elles doivent nécessairement participer aux actions qui mènent à cette fin, même si les femmes sont différentes, en quelque sorte, des hommes. S'il en est ainsi, et si la nature des femmes et celle de l'homme sont du même genre, si le naturel commun au genre doit viser dans la cité la même action, il est donc clair que les femmes doivent accomplir les mêmes tâches que les hommes au sein de la cité parfaite. Toutefois, étant donné qu'elles sont plus faibles physiquement que les hommes, elles doivent se charger des travaux les moins éprouvants. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons d'Averroès cette semaine et aujourd'hui en compagnie de Macrababès qui est avec nous depuis Lyon. D'Averroès à Simone de Beauvoir. On a entendu un texte dans votre traduction d'ailleurs, Macrababès. Et puis, oui. La voix de Simone de Beauvoir, cette énarchie du 6 avril 1975 dans lequel elle reprend la phrase à laquelle on l'associe beaucoup, on ne naît pas femme, on le devient. Et finalement, ce que dit Averroès dans le texte a quelque chose d'assez similaire, sans faire d'anachronisme. Il explique que ce sont pour des raisons, en fait, politiques que les femmes se sont vues interdire l'exercice de fonctions décisives dans la vie de la cité, pas pour des raisons essentialistes. C'est absolument dingue de lire ça sous sa plume. Absolument. En fait, c'est à plus d'un titre le texte qui vient d'être lu est exceptionnel, aussi bien dans l'histoire, bien sûr, de la pensée quand on intègre Averroès dans son épistémée, c'est-à-dire celle du Moyen-Âge, on ne va pas trouver de choses similaires en fait dans les autres cultures, que du point de vue de l'histoire interne à l'islam, même si, bien entendu, on peut trouver des juristes ou bien des savants qui, par exemple, en dit des choses pas de la même nature, mais qui s'en rapprochent un petit peu. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, un juriste qui s'appelle Tabari, au Xe siècle, qui a, contrairement à tous les autres juristes de l'islam, qui a établi l'idée selon laquelle la femme peut exercer un métier politique, à savoir le métier de juge, parce que la plupart des savants de l'islam interdisaient à la femme des fonctions politiques comme celle de juge, de ministre et bien entendu de calife ou de prince. Averroès part du texte de Platon et développe une réflexion personnelle. En fait, là, c'est vraiment, ce n'est pas du tout dans le commentaire de Platon, donc on peut dire que c'est vraiment la pensée d'Averroès. C'est une digression dans le commentaire. Quoi. Exactement, c'est une digression et qui porte d'ailleurs sur la société andalouse et sur l'islam d'une manière générale, enfin le statut de la femme en islam. Et donc, il établit dans ce texte l'égalité ontologique entre l'homme et la femme, dans la mesure où il forme le genre humain qui est un. Et donc la fin du genre humain, elle est commune donc à tous les hommes. Et à partir de là, toute distinction, toute discrimination, qu'elle soit d'ordre patriarcal, misogyne ou autre, eh bien ne peut pas être défendue philosophiquement. Et donc c'est un peu le postulat sur lequel Averroès va construire cette longue réflexion sur bien sûr les possibilités que la femme pourrait atteindre sur le plan social et politique, et bien sûr aussi une réflexion critique sur son statut ou sa situation en Andalousie, en fait, dans l'Andalousie du XIIe siècle et dans les sociétés du monde musulman d'une manière générale. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, ce texte, et je l'aime beaucoup personnellement parce que cela montre en fait comment, à partir d'un commentaire ou à partir de la lecture d'un texte qui provient en fait de l'Antiquité la plus reculée, eh bien on pourrait bousculer certaines idées, on pourrait aller au-delà justement des a priori essentialistes, en l'occurrence en fait toutes les opinions qui enferment la femme dans une essence préétablie ou prédéfinie, et donc ça rejoint, comme vous l'avez très bien fait, ça rejoint certaines vues modernes, même sans faire d'anachronisme, effectivement ça rejoint en fait des vues modernes sur la construction d'une culture à partir de l'éducation qui va donner tel ou tel statut, telle ou telle lecture en fait du statut de la femme dans la société. Est-ce qu'on trouve d'autres textes d'Averroès sur la femme, justement, ou est-ce qu'il faut inscrire vraiment ce qu'on vient d'entendre dans une réflexion plus large sur la possibilité de coordonner ensemble chaque membre de la cité en vue d'atteindre l'excellence? Alors, il y a cette dimension politique, bien entendu, parce que Averroès est partisan. Il y a une partie en fait du texte qui n'a pas que je n'ai pas proposé en fait à la lecture, oui, et qui parle des dimensions économiques, c'est-à-dire qu'une cité devrait mettre à contribution tous les citoyens, et donc les femmes sont citoyennes d'après Averroès, et à partir de là, donc elles devraient aussi participer économiquement à la production des richesses de la cité. Et ça, c'est un argument très important, comme vous pouvez le constater, donc qui est différent en fait du postulat dont il est parti, oui, et donc ça complète l'autre aspect qui est purement social et politique. Mais donc voilà, c'est quand même dans ce cadre-là que s'inscrit ce texte, à savoir comment essayer de définir ce qu'est une cité bonne. On peut y revenir quand même, et même y arriver, parce qu'on l'a pas vraiment défini. Cette, oui, cité bonne, c'est une cité juste, ça vous allez nous dire pourquoi, et elle est, oui, caractérisée par les principes 1 de l'unité et 2 d'une force, c'est-à-dire elle doit être à l'abri des discordes et finalement dépasser tous les particularismes, on dirait aujourd'hui. Tout à fait. La cité parfaite pour Averroès, c'est la cité un peu comme nous venons de le voir avec l'exemple de la femme, qui met à contribution en fait la plupart des compétences de ses citoyens, quelles que soient d'ailleurs ces compétences sont bien sûr hétérogènes. Il y a des gens qui sont doués pour les métiers artisanaux, des gens qui sont doués pour les métiers abstraits, pour les sciences, qui n'ont aucun contact en fait avec aucune relation avec l'application, par exemple les mathématiciens, etc. Il y a bien sûr les hommes politiques, il y a des juges, il y a des musiciens, des poètes, des secrétaires. En fait, la cité, elle est plurielle, et toutes les parties de la cité dans cette représentation de la cité parfaite, devraient effectivement mettre leur contribution grâce à leurs compétences, grâce à leurs excellences. Et c'est aussi de là que découle l'idée de justice, parce que oui. La justice, en fait, elle est d'abord définie à travers la fonction. C'est ce que déjà relevé en fait Platon dans sa définition de la justice. Il faut que, si vous voulez, que les hommes soient reconnus dans leurs compétences et en leur accordant le mérite, le mérite qui provient de leur éducation, de leur apprentissage, de leurs compétences, de leur intelligence et de leurs compétences cognitives, eh bien, on sera effectivement dans une cité qui accorde à chacun sa place et qui reconnaît en même temps l'excellence dans la fonction. Donc c'est la fameuse notion d'arrêté qui veut dire, qu'on traduit généralement par la vertu. Et donc chaque citoyen justement, il va déployer ses compétences en vue d'atteindre cette vertu et en faire profiter les autres citoyens. Et donc la cité sera juste dans ce sens-là. Enfin, elle sera unie parce que c'est grâce au savoir du roi philosophe, en fait, qu'on peut éviter les dissensions, puisque le cadre, en fait, idéal, c'est celui qui accorde à chacun son dû et le mérite, donc qu'il doit recevoir de la part des autres. Voilà. Donc ça c'est un peu effectivement les traits de la cité parfaite, et on le voit, on les voit illustrés par l'exemple des femmes que nous venons d'examiner ensemble. Mais quand on emploie le terme de juste ou de bonne, oui, appliqué à une cité, on introduit une dimension morale. Et c'est toujours un peu dangereux quand la morale s'invite en politique, parce qu'alors celle-ci est menée au nom d'une certaine idée qui est peut-être définie, mais qu'on impose aux citoyens. Absolument. Alors l'idée de justice, bien sûr, elle est très complexe. Parce que le point de départ, en fait, d'Averroès dans le commentaire de la République de Platon, c'est bien entendu une notion de justice qui est plutôt psychologique, parce que Platon a défini la justice d'abord dans l'âme des citoyens. Lorsque l'individu arrive à dominer en fait sa colère, et qu'il domine aussi ses désirs, donc il y a trois parties de l'âme: la partie colérique, la partie désirante et la partie rationnelle. Mm-hmm. Donc c'est ainsi que Platon justement définit les pouvoirs de l'âme. Et donc il faut que la raison domine en fait les deux autres parties de l'âme, et c'est cette domination de la raison ou de l'intellect qui produit la justice dans l'âme. Et en fait, la justice dans l'âme des citoyens est un peu le modèle en miniature de la justice dans la grande cité, si vous voulez. Voilà, ça c'est un peu le modèle platonicien qui est purement psychologique. Et à cela, Averroès, bien sûr, va apporter aussi d'autres conceptions du juste et de l'injuste, qui sont plutôt politiques, parce que, bien sûr, en tant que grand connaisseur d'Aristote, il n'est pas, il est aussi, je perds un peu le fil de mes pensées, il est aussi un grand familier des notions de justice corrective, ouais, celle des tribunaux, de justice distributive, celle qui est fondée justement sur l'idée de mérite sur le fait de rendre à chacun son dû, c'est-à-dire de reconnaître les compétences dont il peut faire preuve dans l'exercice de tel ou tel métier, telle ou telle fonction. Mmh. Donc il y a toutes ces notions de justice en fait qui s'enchevêtrent dans le cadre de la pensée de la cité juste, mais disons que l'idée globale de la justice dans la cité, c'est que chacun arrive en fait à exercer l'excellence pour laquelle il est prédisposé, et que cette excellence soit en même temps reconnue au sein de la société. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire quelqu'un qui mérite d'être ministre parce qu'il a les compétences de ministre, quelqu'un qui mérite d'être secrétaire parce qu'il a l'art de la rédaction des discours, ou bien qu'il est un excellent rhéteur. Si jamais en fait il n'est pas récompensé par la cité, si jamais il n'est pas reconnu justement dans ses compétences, là, ça serait une injustice. Et la justice serait effectivement de l'employer là où il faut. Ouais, mmh. Voilà, c'est un peu cette fonction-là, cette conception-là de la justice qui est vraiment mise en avant dans le commentaire de la République de Platon par Averroès. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de justice, enfin disons de cité juste, on l'associe beaucoup à l'expression de guerre juste, et on pense à ça. Mes chers compatriotes, à cette heure, les forces américaines et celles de la coalition en sont au premier stade des opérations militaires visant à désarmer l'Irak, à libérer son peuple et à défendre le monde contre un grave danger. Sur mes ordres, les forces de la coalition ont commencé à frapper certaines cibles militaires pour saper la capacité de Saddam Hussein à faire la guerre. Nous venons en Irak dans le respect de ses citoyens, de leur grande civilisation et des croyances religieuses qu'ils pratiquent. Nous n'avons aucune ambition en Irak, si ce n'est de supprimer une menace et de rendre à son peuple le contrôle de son pays. Quand George W. Bush, le 19 mars 2003, prononce ce discours, il présente l'intervention en Irak comme étant juste, entièrement dirigée vers la paix, et puis dans le registre sémantique de la guerre juste, justement, qu'Averroès aborde dans son commentaire de la République de Platon, Makram Abbas. Oui, tout à fait. Alors, la notion de guerre juste est très complexe. Elle a connu donc plusieurs élaborations théoriques dans l'histoire, aussi bien d'ailleurs dans le cadre de la pensée occidentale. C'est là effectivement qu'elle a été le plus théorisée et développée que dans le cadre de l'islam. En fait, dans la tradition du droit musulman, comme dans la tradition des miroirs des princes, on trouve en fait ces critères de la guerre juste, des critères un petit peu disséminés. Mmh. Alors effectivement, dans le discours de George Bush, là nous avons au XXe siècle en fait le retour de l'idée de guerre juste sous la plume notamment de Michael Walzer, qui est l'un des meilleurs philosophes politiques contemporains. Mais ce retour en fait, bien sûr, comme pour toute l'histoire des idées, ce retour en fait ne signifie pas que nous avons le même contenu que recouvre cette notion, parce que aujourd'hui en fait nous avons aussi une formulation un peu moralisante de l'idée de guerre juste, et c'est ainsi qu'elle se présente en fait dans le discours de George Bush ou bien chez d'autres auteurs, et qui devient en fait tout simplement le masque d'ambition disons impérialiste, d'ambition territoriale, de désir de conquête territoriale ou bien de désir de domination de certains pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques ou autres. C'est un peu le scénario en fait de l'occupation de l'Irak, et à partir de là effectivement la guerre juste, en fait l'idée de guerre juste, est exploitée, instrumentalisée par certains hommes ou par certains intellectuels pour défendre finalement des intérêts politiques, géopolitiques ou économiques. Dans la tradition de la pensée, de la philosophie politique, l'idée de guerre juste, et d'ailleurs on la trouve donc chez Averroès, l'idée de guerre juste était, qui remonte d'ailleurs à Platon ou à Aristote, était censée définir les critères à partir desquels une guerre pourrait être déclenchée. Et donc, on a beaucoup spéculé un peu sur ces critères. Par exemple, il y a l'idée d'autorité légitime, il y a l'idée de chance de succès, l'idée d'intention droite. Il y a plusieurs critères comme ça qu'on appelle, qui relèvent de ce qu'on appelle le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, ou bien du jus in bellum, le droit dans la guerre. Il y a, par exemple, pour le droit dans la guerre, il y a la distinction entre combattants et non-combattants, c'est-à-dire le respect de la vie des non-combattants, puisqu'ils ne participent pas à la guerre. Donc, il y a pas mal de critères qui ont été forgés par les philosophes, les penseurs, les juristes, afin de nous montrer que la guerre est une réalité aussi morale, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une réalité militaire, elle n'a pas seulement une dimension militaire, elle a aussi une dimension morale et politique. Bien entendu, on pense tout de suite à la dimension militaire et politique quand on parle de guerre, mais il y a aussi une dimension morale, c'est-à-dire qu'il y a des codes qu'il faut respecter, mmh. Et parmi ces codes, donc, il y a les critères que je viens de dénoncer, mais il y a aussi un critère fondamental qui est le dernier recours, par exemple, c'est-à-dire il ne faut pas aller en guerre immédiatement après le déclenchement d'un conflit. Il faut d'abord chercher les moyens de résoudre le conflit pacifiquement par les voies de la diplomatie, par les voies de la négociation, par les voies de la ruse, de l'intelligence. Donc il y a plusieurs moyens à déployer avant donc de chercher à la confrontation directe des armées, et tout cela est justifié par des raisons morales, par exemple comme la sauvegarde de la vie des vies humaines, par exemple. La distinction entre combattants et non-combattants relève du même ordre. Donc ça montre effectivement qu'il y a une réalité morale de la guerre, et ça c'est ce qu'on trouve justement dans le commentaire de la République par Averroès. Cela dit, Averroès, il a aussi un point de vue très intéressant sur la question de la guerre, parce que contrairement aux juristes de l'islam qui eux, vont vont réfléchir en fait sur la question et chez lesquels en fait on peut trouver aussi certains critères de la guerre juste, ils vont aussi mettre en avant ce qu'on appelle l'idée de guerre sainte, c'est-à-dire que tout l'effort militaire est orienté vers, disons, la soumission de l'autre religieux. Donc ça, c'est une idée qui était partagée par plusieurs cultures religieuses. Dans le christianisme, on la trouve, bien sûr, dans le judaïsme, dans certaines religions antiques. Donc l'idée de guerre sainte, elle est très ancienne aussi ancienne que celle de guerre juste. C'est-à-dire l'idée que, voilà, vous avez un dieu qu'il faut défendre, une cause divine, et qu'il faut soutenir. Et que c'est lui, enfin, en quelque sorte, qui ordonne de faire la guerre à l'autre. Et dans ce cas-là, l'autre, il est déjà prédéfini, c'est le polythéiste, c'est l'impie. Bon, voilà. Donc là, c'est une conception qui relève en fait de la théologie. Et ce qui est intéressant, non pas dans le commentaire de la République, mais plutôt dans le commentaire de l'éthique à Nicomaque par Averroès, en fait, on a un texte qui est vraiment très très intéressant, dans lequel Averroès critique justement cette conception des va-t-en-guerre, c'est-à-dire des gens qui veulent pousser les politiques à faire la guerre aux autres nations pour des raisons théologique ou religieuse, c'est-à-dire tout simplement pour les soumettre à la loi de l'islam ou à la loi d'une religion qu'on pense être supérieure aux autres religions. Ouais. Et ça, c'est critiqué par Averroès, effectivement, dans ses textes, dans un court passage de l'Éthique à Nicomaque. Mais ça, c'est très important, ce conflit qu'il y a entre Averroès d'un côté et les théologiens contemporains d'Averroès de l'autre. Absolument. Puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord quant à la définition du mot juste, quant à ce qu'est la justice. Averroès va dire, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses justes par elles-mêmes? Quand les théologiens vont rétorquer, ben non, c'est toujours eu égard à une loi. La justice ne peut être définie que par rapport à une loi. Mais alors la question, c'est d'où vient cette loi? Je vous propose qu'on écoute, c'est un très court texte que vous nous avez proposé, Makram Abbès. Il fait quelques lignes, il est assez technique, mais je pense que ce qu'on vient de dire et ce que vous allez dire ensuite va nous permettre de le comprendre. On l'écoute? Les théologiens disent... Lorsqu'un homme accomplit un acte juste, eu égard à la loi, cet homme est juste. Quant à celui qui commet un acte dont la loi pose qu'il est injuste, cet homme-là est injuste. Puis ils disent, mais celui qui n'est pas responsable légalement et ne tombe pas sous le coup de la contrainte légale, il n'existe pas pour ce qui le regarde d'acte juste ou injuste, mais tous ses actes sont justes. Ils assument donc qu'aucune chose n'est juste ou injuste par elle-même. Mais c'est là le comble du scandale, car il n'y aurait rien, en ce cas, qui fût par soi-même un bien, ni rien qui fût par soi-même un mal. En effet, il est évident par soi que ce qui est juste est un bien, et ce qui est injuste est un mal. On est là au cœur du conflit, hein, Makram Abbès, justement, entre Averroès et les théologiens. On en a parlé depuis lundi, on l'a formulé de la façon suivante, en disant que la question qui se posait était de savoir est-ce qu'on peut être croyant et rationnel, religien et rationnel. Est-ce que les théologiens, quelle utilisation de la raison font les théologiens dans leurs écrits? Et là, l'exemple de la loi, donc de la définition de la justice, de ce qu'est juste, est absolument emblématique de cette tension, de cette querelle. Absolument. Ça, c'est aussi un texte unique, je dirais, parce que Averroès exprime et radicalise en quelque sorte une position qui était présente d'ailleurs dans l'islam, enfin chez les penseurs, chez les philosophes, chez certains savants, des juristes, des théologiens aussi. On sait que l'une des premières formulations de la théologie en islam, celle du mu'tazilisme, était favorable justement à cette idée selon laquelle il y a une justice en soi, c'est-à-dire que tous les hommes pourraient se mettre d'accord sur des principes universels qui seraient admis indépendamment des appartenances religieuses, des appartenances culturelles, des appartenances ethniques. Et donc il y a quelque chose qui rassemble les hommes autour de ces notions première de juste et d'injuste. Par exemple, il y a un exemple qui était discuté par les théologiens, les mu'tazilites, 8e, 9e, 10e siècle, etc. C'est l'idée, par exemple, de remercier un bienfaiteur. Donc l'idée de se montrer reconnaissant à l'égard de quelqu'un qui nous a comblé d'un bienfait. Alors, est-ce que cette idée, qui est ancrée en fait dans la nature humaine, a besoin justement d'être ramenée à une loi positive ou bien à un texte religieux? Eh bien, il pensait que non, c'est-à-dire que cette idée pourrait être fondée comme norme en soi, c'est-à-dire qu'elle a sa propre légitimité qu'elle tire d'elle-même et que tous les hommes en fait arrivent à la reconnaître indépendamment des contextes historiques, des contextes culturels. Donc là, c'est l'idée de droit naturel justement qui est défendue par ce courant, et Averroès va la reprendre, comme vous l'avez constaté en fait dans ce texte très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un extrait du dévoilement des méthodes. Je l'ai pas dit, hein, je le précise. Absolument, absolument. Bah c'est là qu'il combat les théologiens acharites, c'est-à-dire une branche de théologiens qui va en quelque sorte dominer à partir du 10e-11e siècle, qui va avoir beaucoup de relais aussi bien dans la politique, dans les institutions juridiques ou bien dans les institutions éducatives en fait de l'islam classique. D'ailleurs, on en a encore des traces aujourd'hui. Eh bien, dans cette théologie, dans ce courant théologique, c'est la loi justement qui dit le bon et le mauvais, le juste et l'injuste. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître l'injustice d'un fait, d'une condition, d'une situation tant qu'on n'a pas consulté ce que dit le texte sacré en la matière. Mmh. Et pour Averroès, c'est scandaleux d'en arriver là, c'est-à-dire de confondre l'idée de justice telle qu'elle peut se présenter immédiatement à l'esprit humain, à la conscience humaine, parce que ça relève en fait justement de cette philosophie morale qui est partagée par plusieurs auteurs. Confondre cela avec la justice positive, c'est-à-dire qui est posé par la loi, même s'il s'agit d'une loi religieuse. Et ça, c'est un point très important, parce que, en fait, vous avez toujours dans toutes les cultures une articulation entre le droit naturel et le droit positif, et donc le droit positif devrait être l'application, en quelque sorte, du droit naturel ou de ses principes. Par exemple, pendant la Révolution française, il y a eu des avancées considérables au niveau de l'établissement du droit naturel, et après toutes les institutions qui ont été fondées entre le 18e et le 19e étaient censées justement préserver ce droit naturel. Mais à un moment donné, le droit positif, c'est-à-dire celui de l'État ou celui de la loi positive concrète, pourrait s'éloigner de cet esprit du droit naturel, et donc à partir de là, il faut toujours être attentif à ce que dit cette conscience humaine, et donc Averroès rejoint justement cette position universaliste sur le plan éthique, laquelle position on peut la trouver chez des philosophes comme Grotius, comme Pufendorf, oui, comme Rousseau. Exactement. Voilà. Donc là, Averroès, en fait, il est vraiment dans cette lignée de philosophes sur le plan moral. Droit naturel, ça veut dire c'est un droit qu'on établit, qu'on déduit à partir de l'exercice de notre raison, c'est ça ? Absolument. C'est la reconnaissance de la droite raison. Par exemple, vous avez un texte fondamental, enfin une citation fondamentale de Grotius qui affirme que le droit naturel ne pourrait pas être modifié même par Dieu, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme de naturalité qui est propre en fait à l'homme et à tous les hommes, et c'est pour cela que ce droit est à la fois universel et immuable, c'est-à-dire que personne ne peut défendre l'idée d'injustice. Personne ne peut, si vous voulez, de défendre avec des arguments probants l'idée qu'il faudrait, selon laquelle en fait il faudrait punir les l'idée de reconnaissance, ou bien légitimer en fait l'idée d'ingratitude. Vous voyez, donc il y a certains points qui sont universellement partagés par tous les hommes, indépendamment de leur culture, leur culture bien sûr sociale, indépendamment de leurs appartenances religieuses, et Averroès justement se situe sur ce terrain de l'universalité de la morale partagée par tous les hommes. Voilà. Mais donc on comprend mieux aussi pourquoi cette position-là va rentrer en conflit avec certains théologiens. Absolument. Qui ont une lecture, alors comment est-ce qu'on peut l'appeler, dogmatique du texte religieux? C'est pour cela que j'ai insisté sur l'idée de positivisme religieux. C'est une lecture qui ne fait confiance qu'au texte de la loi, c'est-à-dire à ce que dit la lettre de la loi. Si nous reprenons par exemple la question de la femme, on va voir qu'aujourd'hui, je donne un exemple sensible, aujourd'hui par exemple, dans certains pays musulmans, eh bien, la femme ne jouit pas en fait des conditions dont elle pourrait jouir idéalement en fait, et qui sont présentes aussi dans d'autres sociétés, qu'il s'agisse de sociétés arabes ou bien arabo-musulmanes ou bien d'autres sociétés occidentales. Si on interroge en fait les savants ou les théologiens, eh bien ils vont toujours mettre en avant l'idée de textes religieux, ils vont nous citer des dits du prophète, ils vont interpréter certains passages du Coran pour dire en fait que la femme devrait continuer à à vivre selon cette condition inférieure. Et cette position-là, justement, c'est la position d'un positivisme religieux, d'un certain positivisme religieux, c'est-à-dire des gens qui mettent en avant une interprétation du texte et qui pensent que toute la vérité morale et politique est contenue dans cette interprétation-là. Ouais. Alors que quelqu'un qui veut bousculer un peu ses idées, eh bien, il va partir du droit naturel, il va dire l'inégalité, par exemple, entre l'homme et la femme, les discriminations dont peut souffrir la femme, par exemple, une femme qui ne peut pas conduire une voiture. On a vu cet exemple, comme vous le savez, donc, jusqu'à une période récente pour l'Arabie Saoudite. Eh bien, c'est scandaleux. Et c'est ce que dit Averroès, c'est-à-dire la loi n'a pas toujours raison. La loi, elle est soumise, en fait, à des conditions sociales, des conditions politiques qui font qu'elle doit évoluer en fonction de l'évolution de la morale, de la conscience. Et cette évolution de la morale et de la conscience, bien sûr, c'est effectivement le fond de droit naturel, c'est-à-dire c'est la droite raison qui doit l'exprimer constamment. Mais il y a quelque chose d'effrayant à se dire que la position d'Averroès, qui est la position universaliste et même rationaliste, qui peut paraître du côté du bon sens dans bien des situations, finalement, de son propre aveu, n'avait pas pour vocation à être enseigné à tous. On en revient à l'élitisme d'Averroès, qui pensait que sa pratique philosophique n'avait pas pour but d'être enseignée partout, et même les masses devaient en être protégées. Les masses, c'est l'expression qu'il emploie. Hein. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de choquant dans cette position-là? Alors, justement, il faut ramener ce que vous dites, en fait, à propos de la distinction entre l'élite et la masse, et la question de la diffusion de la philosophie, il faut la ramener à ce postulat fondamental de philosophie morale que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire qu'Averroès pense que tous les hommes pourraient adhérer à cette philosophie de la justice qui est universelle, qui est rationnelle, etc., mais à partir d'une représentation qui n'est pas forcément celle des philosophes. En fait, l'objet, c'est le même, c'est-à-dire tous les hommes pourraient être ramenés à la même finalité. Seulement, ce qui diverge, c'est la manière d'accéder à cette vérité, c'est-à-dire... Là, on entre un peu dans les discussions techniques sur la logique, sur les arts logiques, sur les notions fondamentales de représentation et d'assentiment, c'est-à-dire les hommes n'ont pas tous les mêmes capacités cognitives en fait, qui leur permettent de se représenter l'idée de bien, l'idée de juste, l'idée de perfection, et donc l'idée de bonheur. Et donc tout cela devait faire l'objet justement d'une représentation ou bien rationnelle et démonstrative propre à l'élite philosophique, ou bien la même chose, en fait, la même vérité devrait être enseignée à la masse par d'autres voies, la voie de la rhétorique, la voie de la poétique, d'où l'intérêt justement de textes, des sermons, des discours religieux, dès lors qu'ils sont, rattachés à ces principes, à ces bons principes philosophiques. Vous voyez, donc, ce n'est pas la question. Enfin, la question de la diffusion de la philosophie est un véritable problème, d'ailleurs, pour le contexte du Moyen Âge et pour le contexte de l'islam. Mais Averroès, en fait, quand il parlait de l'impossibilité que tous les hommes deviennent philosophes, ce qui est tout à fait c'est un constat réaliste à mon avis. C'est une manière de tenir compte des conditions anthropologiques des hommes, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes compétences et la même possibilité d'accéder à la philosophie. Oui. Et donc, du coup, il faudrait trouver le moyen de les rendre bons, de les rendre justes, de les rendre heureux aussi dans la cité, mais à partir d'une culture, d'arguments qui ne sont pas forcément ceux de l'élite, effectivement. Mais alors, je vais poser ma question autrement. Est-ce que vous pensez que lire Averroès, même aujourd'hui, lire, enseigner Averroès, c'est une manière de donner des armes pour critiquer le dogmatisme et l'extrémisme en religion? Absolument. Alors, la critique du dogmatisme, elle est fondamentale chez Averroès, parce que déjà, dans sa critique des théologiens, dont on a vu un petit aperçu à partir de l'extrait, il y a l'idée selon laquelle on ne peut pas accuser d'impiété ou d'hérésie les gens qui pensent autrement que nous, c'est-à-dire que vous avez une vérité à laquelle on peut accéder de manière plurielle par différents chemins. Et donc, il faut pluraliser un peu les chemins de l'accès à la vérité. Ça, c'est le premier point qui est vraiment fondamental. Le deuxième point qu'on peut trouver aussi dans la pensée d'Averroès et qui rejoint un peu ce que vous dites à propos de la critique du dogmatisme, c'est qu'il y a une véritable philosophie de la religion chez Averroès. C'est pour cela que je l'aime beaucoup personnellement comme philosophe, avec Farabi aussi. C'est parce que ils n'ont pas lu Platon et Aristote surtout, tout simplement pour le commenter et répéter ce que ces grands maîtres ont dit. ils les ont lus pour aussi forger une nouvelle philosophie. Et là, on le voit, on voit cette originalité, cette créativité dans la philosophie de la religion, parce qu'on la trouve ni chez Platon, ni chez Aristote. On en trouve les postulats, mais pas du tout le déploiement, le développement. Et donc, dans cette philosophie de la religion, si nous prenons le cas d'Averroès, on va voir qu'il y a les germes, justement, d'une forme de désintrication entre, disons, les composantes de la religion. La religion, elle peut se présenter de manière un peu totalisante, comme on le voit dans les dogmatismes. Mm-hmm. Mais si on est philosophe, justement, quand on l'approche de manière critique, eh bien, on peut distinguer une partie qui relève des rites, une partie qui relève du droit, une partie qui relève en fait de la morale. Et donc, c'est ce que fait Averroès, justement. À chaque fois, il désintrigue, en fait, il distingue les domaines de la religion et il essaie de montrer que par exemple, pour le domaine des croyances, on ne peut pas faire comme l'a fait Razali, c'est-à-dire chercher à établir une seule voie d'accès à la vérité et condamner en fait les autres comme hérétiques ou bien impies, parce que en ce faisant, eh bien, on va tout simplement empêcher les hommes d'être bons. C'est-à-dire il y a une connexion entre les opinions, les croyances et le comportement éthique. Pour Averroès, il faudrait, et ça c'est peut-être le troisième point qui illustre un peu cet aspect de la critique du dogmatisme, pour Averroès, il faudrait que les croyances soient simple, ça rejoint un peu l'idée de religion naturelle qu'on trouve en fait chez les philosophes des Lumières, à savoir que on n'a pas besoin de disserter comme l'ont fait les théologiens de l'islam sur la création ou l'éternité du monde. On n'a pas besoin de disserter sur la nature du texte coranique pour savoir s'il est créé ou non créé, si cet attribut de la parole divine, doit être pensé de telle ou telle manière. Tout cela pour Averroès n'est que vaine spéculation qui est absconce, qui est très difficile, que personne ne comprend. Et que même les théologiens, lorsqu'ils les ont établis, ils l'ont fait de manière complètement erronée, c'est-à-dire pas du tout scientifique. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans le traité du dévoilement des méthodes. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des principes très simples au niveau de la croyance pour pouvoir être bon sur le plan social et politique. C'est-à-dire, ce qui permet de juger de l'excellence d'un homme, ce sont d'abord ses actions, ouais. et non pas la manière dont il croit à Dieu, au salut de l'âme dans l'au-delà, ou bien à la question des questions cosmologiques extrêmement, extrêmement difficiles, comme celle de l'éternité ou bien de la création. J'ai encore énormément de questions à vous poser, mais malheureusement, on arrive déjà au terme de l'émission. Alors, je vous remercie infiniment, Makram Abbès, pour votre disponibilité et cette discussion ce matin qui donne envie de lire et de relire Averroès. Vous pouvez lire en Garnier Flammarion, par exemple, chers auditeurs, il y a des éditions de poche qui sont disponibles et faciles à lire. On peut lire de vous Islam et politique à l'âge classique, Makram Abbès, un livre disponible aux éditions PUF. Et également, vous avez traduit l'ouvrage de l'éthique du prince et du gouvernement de l'État de l'auteur politique de l'âge classique de l'islam Al-Mawardi. Vous en avez parlé un peu en début d'émission. C'est un livre disponible aux éditions Les Belles Lettres. On se quitte en chanson avec Lena Chamamian. Merci. Les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous êtes bien lointain, rapprochez-vous du micro qu'on vous entende bien. Aurélien, votre question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que les classes sociales existent encore ? Je ne suis pas quelqu'un de très social, justement. Je suis plutôt timide, je ne parle jamais aux inconnus. Ainsi, j'ai été très surpris de ce qui m'est arrivé l'autre jour au sommet de la butte Montmartre. Je terminais l'ascension en courant de la rue Lamarck, 1500 mètres de montée avec une pente très régulière, je recommande aux amateurs, quand je me suis retrouvé juste en dessous du Sacré-Cœur, au niveau de deux joggeurs qui discutaient paisiblement, comme en école de commerce, de la stratégie du géant Amazon. L'un d'eux faisait un peu l'avocat du diable et évoquait la souffrance induite pour le petit commerce de l'hégémonie du géant du commerce en ligne. L'autre l'a rassuré en disant qu'avec la possibilité pour chacun d'accéder à la marketplace, le petit commerce s'y retrouvait largement. Le premier est revenu à l'assaut en se demandant si Amazon était correct avec le fisc, et une nouvelle fois, le second l'a rassuré. Mais Adèle, avez-vous vu le film The Climb ? Non, je crois pas, c'est un film récent. Bon, en fait, je l'ai pas vu, mais j'ai juste vu la scène la meilleure. C'est deux cyclistes qui sont à la peine dans l'ascension d'un col. L'un, cependant, est moins à la peine que l'autre, et c'est alors que celui-ci, irrattrapable, confesse à son ami qui va se marier, qu'il a couché avec sa fiancée. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé à cet instant en haut de la rue Lamarck. J'avais les jambes, je savais que mes deux joggeurs ne pourraient jamais me rattraper, et je leur ai dit la vérité, à savoir que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui les séduisait tant, allait coucher avec les deux. Contre toute mon éthique de la course et de la sociabilité, je suis alors intervenu, presque contre mon gré, dans la conversation, alors que je les dépassais, pour leur annoncer que Jeff Bezos était en train de tous nous avoir, qu'il ne paierait jamais les impôts dus et qu'il était en train de détruire à sa faveur des pans entiers de l'économie. Mon sentiment, c'était même qu'il n'avait jamais existé d'entité plus marxiste qu'Amazon, ou bien Marx avait raison sur toute la ligne, ou bien Amazon n'existait pas. Or, Amazon existe bien, avec sa capitalisation boursière monstrueuse, avec la fortune inouïe de son fondateur, et donc, Marx a raison. La capacité du capitalisme à créer des monopoles est intacte, et surtout à la créer sur la spoliation de la plus-value, car la raison dernière pour laquelle Amazon est si riche dépend de l'excellence de sa supply chain, laquelle repose massivement pour ses entrepôts sur l'exploitation des travailleurs pauvres et pour ses livraisons sur leur externalisation massive. Le succès d'Amazon est lié à l'apparition de ce nouveau prolétariat des villes, fait de livreurs indépendants, non syndiqués et absolument jamais rémunérés à la hauteur de la plus-value qu'ils permettent d'extraire. En fait, ce que vous nous dites, Aurélien, c'est que les classes sociales existent bel et bien, et c'est ce que vous avez découvert au pied du Sacré-Cœur. Oui, sauf que ce n'était pas ce prolétariat nouveau qui m'est en fait apparu. Ce que j'ai décrit, c'est une reconstruction intellectuelle ultérieure. Ce qui m'est apparu à Montmartre, c'est plutôt son exact opposé, l'existence d'une bourgeoisie physiquement et intellectuellement déliée, capable de réfléchir froidement, sportivement, au cas Amazon, et d'utiliser ses réflexions comme un marqueur de classe si net qu'il nous permettait, sans même avoir eu à nous présenter, à échanger librement. Entre nous, j'ai découvert, pour le dire autrement, qu'il existait une classe à laquelle j'appartenais, pour laquelle l'existence d'Amazon ou du capital en général n'était pas une question immédiatement vitale, mais une énigme intéressante. Et j'ai joué dans cette affaire plutôt le rôle d'un intellectuel progressiste, ce qui a en fait peu d'importance. Ce qui importe, c'est qu'en parlant à ces inconnus, paradoxalement, j'avais entériné la domination du capital sur le monde. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier, Manon Delasselle, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série sur Averroès, Olivier Arnett à la prise de son aujourd'hui, Denis Podalydès à la lecture des textes, Denis Podalydès que vous pouvez retrouver cette semaine tous les soirs à 20h dans l'émission À Voix Nue au micro de Béline Dola. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui donne chaque semaine la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. On ira du côté de l'enseignement de la philosophie en classe terminale en compagnie de la prof de philo Mathilde Marès. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série sur Averroès en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous écoutez l'émission où vous voulez et quand vous voulez. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve demain donc à 10h. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.